Ouais. Quoi de pire? Ouais. Ouais. Quoi de pire? Mais vas-tu le dire que de voir son grand-père si fort mourir? Quoi de pire qu'une enfance sans se nourrir? Dit africain, cours tant que tu peux courir. Quoi de pire que de souffrir seul, comme être aussi seul que dans un cercueil? Quoi de pire qu'une mère qui pleure sa fille? C'est ce qu'on dit qui se vit trop vite. Quoi de pire qu'on viole ta gamine? Ta haine fait grise mine, mais elle s'anime. Quoi de pire que de victime d'inceste? De simples gestes comme ça, mais qui restent. Quoi de pire que de passer sa vie à l'hosto? Dédicace à ses mômes hyper costauds. Quoi de pire que de devenir orphelin du jour au lendemain? Quel malheureux destin! Quoi de pire que le sang qui coule? Aucune mort n'écoule face au temps qui s'écoule. Quoi de pire que se sentir trahir par lui ou elle que tu vas haïr? Quoi de pire qu'une âme en un corps sali? Ça reste ta vie car les deux s'allient. Quoi de pire qu'un four? Je fournirai ma haine à Dieu pour qu'il soit ignoré. Quoi de pire quand t'as plus rien à perdre? Tellement t'es si seul dans ta putain de merde. Quoi de pire que se marier face à la mort de sa femme? Quand la solitude et l'amour la femme. Quoi de pire que d'être ce clochard? Aucun avenir à part boire sur le trottoir. Quoi de pire qu'un jour d'attentat? On peut tendre à un tas de morts en un endroit. Quoi de pire qu'une rupture complexe? Quand l'un a toujours l'espoir de retrouver son ex. Quoi de pire qu'un mec qui boucave, genre de type à marave au fond d'une cave? Quoi de pire que l'infidélité? Mais depuis toujours c'est une réalité. Quoi de pire qu'un sentiment haineux, une vie ne t'aime qui te rend nerveux? Quoi de pire que la mort elle-même, ce jour où tu verras tous ceux qui t'aiment? Quoi de pire que l'esclavage des sauvages qui ont fait des ravages? Quoi de pire qu'un mec comme Hitler? J'aurais été si fier de le mettre sur la civière. Quoi de pire que d'écrire ces horreurs, de se dire que tout ça sont de vrais malheurs? Ouais, ouais. Mais vas-tu me le dire que ce gosse sans père, sans repère, sans avenir? Quoi de pire qu'un conflit familial où il doit faire appel à un tribunal? Quoi de pire que la haine qui n'amène qu'à la haine qui mène à nouveau à la haine? Quoi de pire qu'une envie de vengeance croyant que l'acte sera synonyme de délivrance? Ce qui a été fait est fait, les morts partent et ne reviennent pas, seuls restent les actes, pas de miracle.